À l'occasion du 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée, du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée et du 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, ont eu lieu des rassemblements de célébrations, expositions de photos et de livres et séances de films au Parti populaire socialiste du Mexique, une conférence au comité d'études du kimsunisme-kimjonglisme du Mexique et une séance de films au centre Kodyo Dunla à Kit du Nigeria. Dans la salle d'exposition est exposée des photos sur les exploits immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un accomplis pour la direction de l'éducation du parti, des œuvres classiques des grands hommes Paektosan, ainsi que des livres et photos montrant la Corée du Tse qui remporte la victoire suivant la direction du grand parti. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens comme « Notre patrie manifeste la victoire avec l'unité monolithique » et « Monument à la fondation du parti ». Par ailleurs, à l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, un séminaire s'est déroulé en Égypte et une conférence en Autriche.